Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À la tête de la division théâtrale de l'Université de Columbia de 1992 à 2019, depuis longtemps célèbre et reconnu pour ses mises en scène pour le théâtre et l'opéra, Andrei Serban n'était encore qu'un jeune metteur en scène roumain méconnu, passé à New York par la fameuse Mama de Helen Stewart et très profondément marqué par sa rencontre avec Peter Brook, quand Paris découvrait son travail au début des années 70. Pourquoi, alors que l'on aborde le dernier quart du XXe siècle, proposer au public l'Électre de Sophocle en version originale ? Quelle pertinence y a-t-il à donner d'une pièce une mise en scène dans une langue morte, en l'occurrence le grec ancien, que ne comprennent ni les spectateurs, ni les comédiens, et pas davantage le metteur en scène? Telles étaient au fond les questions qui étaient posées en 1973 à Andrei Serban dans le deuxième numéro de mise en scène, la série que Guy Dumur consacrait au théâtre. À cette discussion avec Andrei Serban avait été convié le critique Alfred Simon et l'helléniste Pierre Vidal-Naquet. Mise en scène, Andrei Serban, à propos de sa mise en scène de l'Électre de Sophocle, jouée à la Sainte-Chapelle dans le cadre du Festival d'automne 1973, une émission diffusée la première fois le 23 novembre de cette année-là sur France Culture. Voici la seconde émission consacrée aux mises en scène d'auteurs classiques d'ailleurs, et contemporains. La première, si vous vous en souvenez, avait été consacrée à la dispute de Marivaux, montée par Patrice Chéreau, et qui a obtenu depuis le succès que vous savez. Mais aujourd'hui, nous allons parler, je le crains, d'une chose un petit peu plus difficile, puisqu'il s'agit d'une tragédie antique. L'Électre de Sophocle, monté par le metteur en scène roumain Andrei Serban à la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, pour une tragédie grecque, c'est évidemment un lieu un petit peu insolite. Et ce qui est peut-être plus insolite encore, en tout cas plus difficile, c'est que la tragédie de Sophocle est représentée dans la langue originale, c'est-à-dire en grec ancien. Et je crois que c'est ce qu'il faut d'abord demander à Serban, pourquoi il a tenu à représenter cette tragédie en grec, en langue originale. On a choisi le grec ancien par beaucoup de motifs. Le fait que, par exemple, quand toujours une pièce qui est jouée dans la langue originale a quelque chose, une certaine électricité qui est dans le son de la langue en laquelle elle a été écrite, qui ne peut pas être traduite dans n'importe quelle langue. Alors, par exemple, quand on joue le Shakespeare en français, on voit que même dans les mises en scène les plus intéressantes, c'est quelque chose qui est toujours, qui se perd. Et ça, c'est dans la langue elle-même. C'est une sorte de fluide, une sorte de rythme qui est extrêmement important et qui se perd, oui, aussi ça, avec le Molière en anglais. Ça, je pense que tout le monde serait d'accord là-dessus. Seulement, reste l'obstacle, le fait que les gens ne comprennent pas, que même, je pense, oui, sauf certains hellénistes, ne peuvent pas comprendre ce qui est dit. Oui, donc, là, c'est, votre propos est un peu ailleurs, je crois. Oui, alors, ça, c'est bien sûr, c'est un premier. Et un deuxième, ce serait que on essaie de voir, de faire un exercice qu'on a déjà commencé avec Médée, qu'on a continué avec Electre, qui est axé sur la question que, dans un moment où un spectateur qui est, on le voit, on le désire, même pas avisé, qu'il arrive au théâtre et il voit un spectacle où il comprend pas l'histoire, où il comprend pas la narration, l'anecdote. Alors, il voit seulement des comédiens qui essaient de faire avec leur voix et avec leur corps et avec leur rythme de transmettre une émotion ou de transmettre une vibration qui se communique, qui essaie d'être envoyé dans la distance. Qu'est-ce qu'il reçoit? Alors, bien sûr que le grec, c'est un matériel extrêmement généreux. C'est peut-être le grec le plus généreux des textes qui ont été créés pour les comédiens, parce que par sa structure extrêmement solide, le fait que c'était écrit il y a 2000 ans pour être envoyé dans un espace libre, ouvert au ciel, à la mer, aux éléments cosmiques, aussi aux citoyens. La structure du vers a une force qu'on ne peut pas le retrouver dans des textes qui sont des textes plus modernes. Et bien sûr que toutes les pièces qui sont écrites une période plus récente, le fait qu'on les joue dans des théâtres fermés, dans des théâtres qui sont protégés par le son à l'intérieur, alors bien sûr que ça, c'est plus facile d'établir une communication. Mais l'idéal serait de jouer dans un espace extrêmement ouvert. Bien sûr que la Sainte-Chapelle, les entrepôts de Bordeaux où nous avons joué, sont des espaces assez généreux, assez grands et assez difficiles à les conquérir. La Sainte-Chapelle, c'est comme espace, c'est un lieu où on entre avec une certaine peur, parce que ce n'est pas un endroit qui est fait pour le théâtre, mais en même temps, c'est un endroit qui est si fort et si présent par sa force à elle-même, qu'il faut presque le conquérir. C'est une sorte de provocation qu'il nous met l'endroit. Alors bien sûr que ce sont les acteurs qui essayent d'être au niveau, de répondre au niveau du lieu lui-même. Du lieu lui-même. Nous avons ici, aujourd'hui, deux autres interlocuteurs de Scherban. C'est Alfred Simon, qui est critique et qui est, je ne crois pas m'avancer en disant que c'est un homme qui est passionné par les grands textes et par les théâtres ambitieux. Et j'aurais voulu savoir comment Alfred Simon a reçu ce spectacle. Je voudrais dire tout de suite que le spectacle que j'ai vu hier soir voit son intérêt redoublé par le fait que je me sens provoqué à comparer d'une part Scherban à lui-même, c'est-à-dire l'Électre que nous venons de voir à la Médée que nous avons vue l'an dernier, d'une part, et d'autre part Scherban à Vitesse, par exemple, puisque nous avons vu l'Électre de Sophocle à la fois dans une mise en scène de Vitesse et que nous venons de la voir dans une mise en scène de Scherban, qui sont à la fois à rapprocher l'une de l'autre dans la mesure où on les sent, elles sont comparables parce qu'elles appartiennent à ce qu'il y a de plus actuel dans le travail théâtral contemporain. Et en même temps, elles sont extrêmement différentes. S'il fallait définir cette différence dès maintenant, je pense que c'est le mieux. C'est tout simplement que Scherban me paraît situer son travail fondamental, d'une part au niveau de la recherche d'un travail sur la voix, hein, d'une part, et en même temps où c'est un rituel, une représentation de Scherban, c'est un rituel. Alors que si le rite est aussi présent chez Vitesse, il y a davantage d'intellectualité dirigée vers disons le structuralisme. Par exemple, en simplifiant à l'extrême, l'Électre de Vitesse était une Électre structuraliste, l'Électre de Scherban est une Électre d'ethnologue, enfin une Électre de mythologue. Oui, mais alors là, ethnologue, mythologue, ça nous amène à un autre interlocuteur qui est Pierre Vidal-Naquet et qui vient justement de signer avec Jean-Pierre Vernant, qui sont tous deux grands spécialistes de l'hellénisme, de l'histoire et des textes, un petit livre qui vient de paraître chez Maspero et qui s'appelle « Mythes et tragédies en Grèce ancienne ». Et est-ce que Pierre Vidal-Naquet trouve également que ce spectacle est un spectacle de caractère ethnologique? Eh bien, je voudrais d'abord féliciter Scherban d'avoir monté son Électre comme un spectacle d'aujourd'hui, voulant certes revenir aux sources, mais ne cherchant pas à y revenir par des moyens archéologiques. Et sur ce point, je suis, peut-être même parce que je suis un spécialiste de la Grèce ancienne, entièrement d'accord avec lui. Bien sûr, on a des tentatives de ce genre. On les a en Grèce avec le festival d'Athènes ou avec le festival d'Épidaure. Elles se traduisent immanquablement par un échec. Pourquoi ? Eh bien, parce que la tragédie grecque était un acte unique qui se produisait une fois au Ve siècle, au moment même où elle était représentée, et qui était inséparable de l'échange entre le texte d'alors et le spectateur d'alors, qui était le citoyen d'Athènes. Cette expérience-là, nous ne la referons pas. C'est tout à fait exclu. Bien sûr, on a tenté de la refaire. Et on a tenté de la refaire dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, lorsque l'État athénien a décidé de subventionner des reprises de Sophocle, d'Eschyle et d'Euripide. Il s'agissait de reprises, donc d'entreprises de caractère archéologique, et qui se déroulaient sur un théâtre de pierre, alors que dans le texte original, ces pièces avaient été jouées dans un théâtre de bois. Par conséquent, dès ce moment, on est dans le domaine archéologique, et Aristote, qui est un écrivain et un philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, est d'une certaine manière aussi loin que nous de la tragédie dans son acte premier. Par conséquent, quand Sherbane choisit la Sainte-Chapelle pour jouer l'Électre, il est dans le droit absolu et il est plus proche des sources en prenant ce lieu qu'il ne le serait, par exemple, en essayant d'adapter les arènes de Lutèce à la pièce de Sophocle. J'ajoute une chose. Tout à l'heure, Alfred Simon a parlé de la transmission d'émotions. Et je crois que c'est là où, d'une certaine manière, notre ami Sherbane est le plus proche de la tradition antique. Il y a quelques grands moments dans cette représentation de l'Électre. Il y a le moment où l'on voit le frère et la sœur avancer l'un vers l'autre et se diriger vers la reconnaissance. Et la reconnaissance, sur ce point Aristote avait raison, est le moment clé de toute pièce antique, le moment où vraiment les individus, les acteurs s'aperçoivent de ce qu'ils sont. Il y a là un moment d'une suprême émotion et mené avec une simplicité, une économie de moyens qui est à mon avis tout à fait admirable. Audrey Sherbane, j'espère que vous n'êtes pas trop écrasé sur ces compliments et venant d'un spécialiste. Mais en même temps, j'espère que vous en êtes très content. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet de parler avec des spécialistes? Est-ce que votre travail, si je peux poser ma question plus brutalement, est-ce que votre travail n'a pas été plus instinctif? Oui, c'est toujours extrêmement difficile dans une discussion pareille. Parce que tout le travail, ce qu'on fait, on essaie par le fait, comme j'ai dit au début, qu'on joue dans une langue qui est pour vous d'un intérêt extrême, mais pour un spectateur simple qui vient, il ne sait même pas peut-être que c'est un grec, alors c'est une langue qu'il ne comprend pas, peut-être une langue inventée, une langue qui est disparue, qui est morte, qui n'existe pas, qui n'existe plus. Alors pour nous, tout le travail, ça a été de faire un travail au dehors des références précises ou des références culturelles. Alors c'est là où vous avez prononcé le nom instinctif, c'est exactement là où ça touche le cœur de notre travail qui a été fait en prenant le grec, qui est une langue qui, bien sûr, nous donne une inspiration très, très spéciale par la structure même du mot, du vers, du rythme, mais qui évoque en nous des vibrations et des émotions cachées qui se laissent entrevoir par un travail tout à fait instinctif où, si on est correct du point de vue prononciation, par exemple, ou si on est correct du point de vue archéologie, ça, c'est vraiment tout à fait par accident. Ça veut dire que le travail du comédien, qui est ça qui nous intéresse, ça veut dire que le comédien, par ses moyens à lui, il est arrivé au même résultat qu'un spécialiste en travaillant dans la bibliothèque ou un archéologue travaillant par ses moyens. Il est arrivé au même résultat par quelque chose qui lui appartient et qui est sa voix, son corps et ses émotions à lui. Pour éclairer tout de même un peu nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, car vous n'avez fait qu'une brève apparition à Paris il y a 2 ans, je crois, maintenant, ou un an, enfin, non, un peu un an, avec la Médéa, n'est-ce pas? Et puis maintenant, il y a ce nouveau spectacle. Pour éclairer, je voudrais tout de même rappeler qu'il y a quand même quelque chose d'important qui s'est passé dans votre vie, c'est votre travail avec Peter Brook, et que vous avez, je crois, joué, participé en tout cas, à Orgast, ce spectacle justement créé à Persepolis, dans une langue imaginaire. Est-ce que, à ce point de vue-là, Peter Brook vous a permis, tout de même vous a appris à vous exprimer tel que, comme vous le vouliez? Oui, bien sûr, ça je devais le dire depuis le début, que tout le travail que je fais depuis 2 ans, c'est extrêmement, profondément influencé par ma rencontre avec Peter Brook et par le fait que j'ai participé à un an de travaux dans le Centre international de recherche théâtrale à Paris et à Shiraz, et que j'ai participé au spectacle Orgast, et que tout le travail que j'ai fait, j'ai continué après avec Medea et avec Electra, mais maintenant sont beaucoup, beaucoup influencés par les recherches du son et recherches sur le travail du comédien d'une manière assez spéciale que Peter Brook me les a appris. Vidal Naquet, ouais. Vous voulez dire quelque chose? Oui, vous avez parlé d'instinct, et là, il faudrait vous poser une petite question, parce que tout de même, votre électre était plus élaboré que vous le dites ici. Et en particulier, il y a une question que je suis obligé de vous poser en ce qui concerne le texte que vous avez choisi. Car ce texte n'est pas absolument celui de Sophocle. Le début, par exemple, n'est pas celui de la pièce de Sophocle. La fin n'est pas celui de la pièce de Sophocle. Et pour autant que j'ai pu saisir, il y a des emprunts qui ont été faits à Eschyle. Il y a une partie, les hurlements des femmes, ce qu'on appelle en grec l'ololugé, c'est-à-dire le cri sacrificiel poussé sur la bête que l'on abat, qui est emprunté aux Euménides d'Eschyle. Alors, comment s'est fait le choix? Et en particulier, je précise un peu ma question, parce qu'elle nous mène à ce qui pourrait être une divergence d'interprétation sur la tragédie grecque. Pourquoi avez-vous si consciemment écourté les longs éléments de récit que comporte le texte de Sophocle? Nous avons bien sûr été très, très conscients du fait qu'on joue pour un public qui ne comprend pas. Alors ça, c'était très clair. Alors, du point de vue, par exemple, longueur de monologue, on voudrait bien que, comme on a le Clytemnestre, qui est un monologue de 2 pages, qui c'est extrêmement long, on voudrait, jusqu'au dernier moment, on a essayé de le retenir tout. Alors, l'actrice, bien sûr, a appris par cœur un passage énormément long, et aux dernières minutes, on s'est aperçu que même ça, pour nous, a un intérêt extrême du point de vue travail avec la voix. Un comédien qui soutient un monologue pendant 10 minutes, avec une intensité extrême, ça serait peut-être, pour un spectateur qui regarde, à un moment donné, il va être perdu par la manque de compréhension. Alors le fait qu'on a essayé de voir comment mettre en balance tous les éléments et que comme dans la musique, les rythmes, les temps, les contretemps entrent dans une fonction et que, bien sûr, qu'on ne perd pas l'intérêt vivant de l'action qui est l'action de la voix. Thank you. La flûtiste Zizi Müller, qui est un des auteurs de la musique de Elektra, vient de nous faire entendre un air qui, je dois dire, dans la représentation d'Andrei Scherban, s'accompagne d'autres instruments de percussion. Mais Alfred Simon, tout à l'heure, nous sommes interrompus au moment où je crois où vous vouliez poser une question ou dire quelque chose. Oui, c'est à propos de ce travail sur le langage, sur la matérialité du langage et le fait qu'Andrei Scherban ait travaillé avec Peter Brook. Avec Peter Brook, il s'agissait d'un essai où la parole était utilisé indépendamment de sa signification. Donc, on avait recours à une langue imaginaire. La trouvaille de Andrei Scherban, c'est de recourir à des langues mortes. Enfin, c'est la notion de langue morte par rapport à la notion de langue imaginaire ou de langue vivante. Dans Médée, il combinait le latin de Sénèque et le grec d'Euripide. Ici, il s'agit du grec tout court. Or, il ne s'agit pas simplement du fait que les spectateurs ne comprennent pas ce grec, mais si Scherban nous a dit que ses acteurs non plus ne comprennent pas le grec, et lui-même. C'est donc un travail essentiellement phonétique, cette recherche d'émotivité dont parlait Pierre Vidal-Naquet tout à l'heure, implique une espèce de foi, n'est-ce pas, dans la puissance d'émotivité que comporte la parole humaine aux prises avec des sons. Oui, seulement ajoutons tout de même que ça n'est pas entièrement gratuit. Mais non. Parce que, bien sûr, qu'il respecte le sens malgré tout et que les actions des comédiens correspondent à ce qui se passe réellement dans la tragédie de Sophocle. C'est exact, n'est-ce pas, mais ce que je voulais souligner, c'est que probablement dans ce spectacle, comme dans Médée, le plus intéressant, le plus profond, le plus nouveau pour nous, c'est tout ce travail qui est fait au niveau de la parole. Et je pense, alors, puisque je m'exprime ici essentiellement comme critique de théâtre, beaucoup plus que comme spécialiste de la tragédie grecque, nous savons très bien que depuis Artaud, les jeunes compagnies, les animateurs de théâtre sont lancés dans la recherche d'un théâtre du geste et d'un théâtre du cri par rapport justement à un théâtre de la parole articulée, un théâtre du texte, et que sur ce plan, jusqu'à présent, les résultats les plus probants ont été obtenus sur le travail corporel, enfin, je veux dire que la plupart des Grotowski, Gélas, enfin des tas de gens auxquels nous pourrions penser aujourd'hui, ont obtenu d'incontestables résultats sur le plan du travail corporel, que la partie faible, n'est-ce pas, c'est que le travail vocal n'a jamais atteint le même niveau que le travail corporel. Or, pour la première fois avec la Médée et avec Elektre, on trouve un travail vocal qui va peut-être encore au-delà du travail corporel. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Je voudrais simplement dire que ce recours à la langue, à la matérialité de la langue morte elle-même, est probablement essentiel, ne correspond pas à un souci d'exotisme. Lorsque Vitesse a monté Elektre, il l'a monté en français, mais il a introduit dedans le grec du poète moderne Ritsos, n'est-ce pas ? Donc, il y a un élément d'étrangeté qui est essentiel à ce travail. Et peut-être d'ailleurs que la première charge affective, c'est l'étrangeté même du spectacle. Je voudrais d'ailleurs dire que, dans une certaine mesure, cet Elektre provoque en moi un sentiment d'étrangeté moins fort que la Médée. Parce que c'était la première fois. Pas seulement. Ceci, oui, joue. Mais c'est pas seulement ça. Je pense, j'ai vu la Médée dans un lieu très étrange, largement aussi étrange pour moi que la Sainte-Chapelle. C'était la Carderie de l'Avignon l'an dernier. Et il me semble, parce que cette espèce de grange totalement obscure, éclairée seulement par quelques bougies dans laquelle les spectateurs, après une marche processionnelle, où ils accompagnaient les acteurs, se trouvaient plongés, eh bien, nous enraciner immédiatement dans ce que la tragédie avait de plus archaïque, non pas d'archéologique, mais d'archaïque, plus que l'Elektre, peut-être. Écoutez, moi, je voudrais un peu revenir à l'archaïsme et à l'archéologie, parce que tout à l'heure, Vidal-Naquet nous a ébloui, à la fois ébloui et inquiété sur les conditions dans lesquelles le théâtre grec avait été représenté au IVe siècle, dont il disait qu'il était plus éloigné du Ve siècle, ou en tout cas aussi éloigné que nous le sommes aujourd'hui du théâtre grec. Et je voudrais lui demander justement si, du point de vue vocal, purement vocal, puisque nous sommes là-dedans, est-ce qu'on a fait des reconstitutions sur, est-ce qu'on sait comment le théâtre grec était dit, alors au Ve siècle, ou peut-être au IVe siècle, comment il était dit, quel était le son? Eh bien, ce que l'on sait, en tous les cas, et on le sait non seulement parce qu'on nous le dit, mais parce que cela ressort de la matérialité même des textes que nous avons, c'est qu'il y avait une très profonde différence entre la langue des acteurs et la langue des chœurs. Et je m'explique parce qu'il y a là un paradoxe. Dans une pièce de théâtre grec, vous avez deux éléments. Vous avez l'acteur qui est un héros. Ce héros auquel il arrivera généralement à la fin de la pièce une sorte de catastrophe. Et puis vous avez le chœur. Le chœur, c'est l'incarnation de la collectivité. Il est composé, dit Aristote, de gens moyens. Mais aussitôt cela dit, on peut le retourner. Car ce sont les héros qui emploient la langue de tous les jours, une langue quotidienne, une langue que chacun peut comprendre, dans un vers qui est, si je puis dire, aussi peu vers que possible, un vers très simple, presque simpliste. Et la langue est celle que parlaient les Athéniens d'alors. Au contraire, le chœur emploie une langue extraordinairement raffinée, qui est mêlée d'emprunts à d'autres dialectes, qui est avec une structure de vers étonnamment compliquée. Et de plus, et surtout, c'est chanté. Tandis que les acteurs, sauf exception, ne chantent pas. Les acteurs parlent, et le chœur, en général, chante, sauf lorsque c'est le coryphée, le chef du chœur, s'exprime. Et ici, Andrei Sherban a choisi d'isoler le coryphée en le mettant à l'étage, si j'ose dire, de l'isoler du chœur. Mais alors, une des difficultés que soulève son travail, qui encore une fois est très beau, c'est que cette opposition entre la langue du chœur et la langue des acteurs ne me paraît pas tout à fait représentée dans sa mise en scène. Je veux dire que et le chœur et les acteurs ont une dimension incantatoire dans sa représentation qui, elle, ne correspond pas à ce que nous savons des textes antiques. Oui, parce que exactement là, la différence que pour nous, il n'y a, c'est pour la première fois que j'entends ça, qu'il y avait une différence entre le chœur et les autres. Ici, pour nous, les différences sont bien sûr au niveau des émotions de la pièce qui sont structurées différemment, mais pas que le chœur doit parler d'une autre manière que les autres. Il parle un peu d'une autre manière, bien c'est sûr, plus scandé. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Je vais quand même, Pierre Vidal-Naquet pourrait préciser, peut-être quand il a dit tout à l'heure, que c'était paradoxal. Et ça, ce paradoxe me paraît assez intéressant, parce que le chœur, en fait, est censé représenter l'opinion publique. Et alors pourquoi au fond était-il... C'est là tout le problème. Bien sûr, il est d'une certaine manière l'opinion publique, puisqu'il est collectif. Par là même, il est l'opinion publique. Et Aristote nous dit qu'il doit être composé de gens moyens. Mais quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, on fait une découverte singulière, à savoir que sauf deux pièces de Sophocle, qui sont l'Ajax et le Philoctète, le chœur n'est jamais composé de ceux qui étaient l'opinion publique, c'est-à-dire des adultes mâles en âge de combattre. Voilà ce qu'était l'opinion publique à Athènes, c'était ces gens-là. Or, de quoi est composé le chœur, en particulier dans Électre? Il est composé de femmes, ou bien il est composé de vieillards, ou de femmes qui sont parfois simplement des femmes, donc marginales par le fait même qu'elles sont des femmes, mais qui sont aussi souvent des esclaves. Donc super marginal, de vieillards qui sont d'une certaine manière au-delà de la cité, tandis que les femmes et les esclaves sont en-delà. Par conséquent, la position du chœur, elle est décentrée par rapport à cette opinion qu'elle est censée représenter. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a un double détachement de l'acteur qui est emprunté au personnel mythique, au monde des héros, qui est ce que la cité rejette, mais détachement du cœur, qui est à la fois collectif, mais qui parle dans une langue qui, elle, est volontairement archaïsante et compliquée. Dans votre livre, le livre que vous avez signé avec Jean-Pierre Vernant, vous avez mis particulièrement l'accent justement sur ce passage du mythe. Vous citez d'ailleurs, ça n'est pas exactement de vous, puisque vous citez Walter Nessel, et vous dites que la tragédie prend naissance quand on commence à regarder le mythe avec l'œil du citoyen. C'est ça. Et ça, c'est pareil une notion très importante, parce que tout d'un coup, il n'y a plus véritablement mythologie, il y a théâtre en quelque sorte. Il y a théâtre, donc réflexion, prise de distance par rapport au mythe. Le mythe fournit un répertoire gigantesque, mais qui est l'objet d'une mise à distance, d'une réflexion. Le héros mythique n'est pas considéré simplement dans son évolution. Il appartient à un monde qui est précisément ce que la cité repousse, ce qu'elle rejette. D'une certaine manière, le mythe, il est identifié à ce personnage que la cité a connu encore récemment, au moment où se constitue la tragédie, c'est-à-dire au tyran. C'est un fait qui est fondamental. Le héros, d'une certaine manière, c'est un tyran, et la cité rejette le tyran. Et quand je dis un tyran, je veux dire que ce n'est pas seulement Créon qui appartient à l'univers mythique et par conséquent tyrannique. C'est aussi, comme l'avait senti Hegel, Antigone elle-même. Oui, effectivement. C'est-à-dire ça nous entraîne vraiment très très loin. Mais c'est important, pour comprendre ce que nous pouvons comprendre actuellement de la tragédie. Oui, justement, moi je pensais, dans son livre qui vient de paraître, aussi Fête et civilisation, Jean Duvigneau, à propos de la tragédie, dit très rapidement, je ne pense pas que ce soit, ça fait partie de son savoir d'ethnologue plutôt, et de sociologue plutôt que de son intuition personnelle. Je pense qu'il dit que le public de la tragédie appartient à une civilisation urbaine, enfin la civilisation de la police, et que les héros relève d'un autre mode de vie qui est essentiellement un mode d'aristocratie rurale. Enfin, donc il y a aussi cette Pierre Vidal-Naquet dit le héros est ce que la cité rejette. Enfin, c'est vrai, il y a une distance entre le spectateur et le héros, entre le monde de la police et l'aristocratie rurale que représente le héros. Ceci dit, c'est vrai, je crois que la base commune du rite et de la tragédie, c'est le mythe. Il apparaît que le rapport de l'homme de la police est, avec le mythe est en crise à ce moment-là. Et c'est une réinterprétation du mythe que donne la tragédie. Et en ce sens, on peut dire que la tragédie prend la place du rite. Elle prend la relève du rite dans l'interprétation du mythe. Mais ça nous ramène au spectacle, à la mise en scène de Sherbane. Il me semble que la tragédie est lié à un lien essentiel avec le rite. Ça ne me paraît pas contestable. Mais le problème que je me pose, c'est de savoir si ce qui constitue la tragédie en tant que telle, c'est ce qui la rapproche du rite, ou au contraire, ce qui l'en éloigne. Et il me semble d'ailleurs que la position de Pierre Vidal-Naquet, ça serait plutôt que la tragédie est tragédie dans la mesure où elle s'éloigne du rite, alors que dans les spectacles de Sherbane, je sentirais davantage l'idée que fondamentalement la tragédie non seulement est liée au rite, mais reste rite. Disons pour simplifier, dans la mesure où la tragédie, et c'est peut-être vrai, peut-être moins vrai d'Eschyle, mais c'est vrai en tout cas de Sophocle, se rapproche de la réalité, même d'une certaine forme de psychologie. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez là, Vidal? Je pense que la psychologie, au sens relativement moderne du mot, ce sera surtout Euripide. Mais il y a des éléments quand même très réels dans l'Électre de Sophocle, c'est très vrai. Tout à fait réel, non seulement dans l'Électre, mais dans les autres pièces de Sophocle. Il y a dans l'Antigone, la fameuse scène du garde chargé de surveiller le cadavre de Polynice. Canouille n'a eu besoin que de transposer très directement pour offrir aux spectateurs des effets parfaitement réalistes. Ceci est certain. Mais justement, lorsque l'on parle de réalisme ou de psychologie, il faut bien voir ce dont il est question. Ce sont ces mondes des héros qui sont présentés au public, qui sont en quelque sorte projetés au-devant du public comme étant des gens comme les autres. Par conséquent, la distance qui les sépare du public est à la fois proclamée par la catastrophe finale et annulée par ce langage commun, quotidien, réaliste, qui est le leur. Et puis, il y a le cœur qui a pour fonction de remettre, en quelque sorte, le spectateur dans le monde des dieux. Et il le remet par le biais de la collectivité, d'où ce paradoxe que j'ai souligné tout à l'heure. Alors, je ne suis pas en désaccord avec ce qu'a dit Alfred Simon. Le rite, il est constamment présent dans la tragédie, mais il est présent aussi dans la manière où il est nié. Alors, actuellement, qu'est-ce que peut signifier une tragédie pour nous ? André Cherban, est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que tout de même, vous êtes un homme de maintenant ? Est-ce que, à quoi ça correspond pour vous ? Pourquoi voulez-vous représenter une tragédie ? Parce que toute la matière de la tragédie, toute la matière humaine, d'expérience humaine dans une tragédie, existe en nous aujourd'hui, on peut la retrouver dans nous. Quand j'ai travaillé avec Peter Brook, j'ai travaillé avec sur des fragments de Perse. Et alors là, on a vu comment une haie prolongée ou une lamentation avait un sens extrêmement profond et actuel en nous, parce que ça nous rappelait beaucoup de la du fait des funérailles de Nasser, par exemple, où les gens se jetaient par terre, s'arrachaient leurs vêtements. Et ça aussi, dans toutes les pièces, dans Prométhée, l'idée du feu, comme lumière, comme jour, comme énergie spéciale, tous ces niveaux qu'on peut comprendre aujourd'hui, une tragédie antique, dans l'Electre, le fait que c'est une longue attente pour quelqu'un qui doit arriver, pour qu'une action peut s'accomplir, et celui qui arrive, qui est mort-vivant, et qui amène avec lui ses propres cendres. Alors, toutes ces idées extrêmement ambiguës, mais extrêmement touchantes, elles nous provoquent toujours de créer des spectacles basés sur les textes de tragédie antique. Vous êtes très aristotélicien, André Cherban. Oui. Car ce que vous êtes en train de nous dire à votre façon, c'est la théorie d'Aristote sur la tragédie comme extériorisation, comme purification. Aristote disait catharsis des passions, et il employait ce terme dans un sens quasi médical, n'est-ce pas ? Oui, la purgation. C'est un petit peu, sauf erreur, ce que vous voulez dire. Et alors oui, comme vous l'avez déjà dit avant, le fait que c'est une pièce qui est axée par l'action de la reconnaissance. Alors ça, c'est un fait qui peut nous toucher aujourd'hui comme il y a 2000 ans, à plusieurs niveaux en nous-mêmes. Mais alors ça, il y a voilà un matériel assez riche pour s'en occuper d'eux. Non, si je peux faire une remarque, un petit peu plus technique, il y a dans la pièce de Sophocle quelque chose de très frappant qui n'a peut-être pas été parfaitement mis en relief dans votre mise en scène. Et voici ce dont il s'agit. La pièce de Sophocle commence à l'aube. Elle se termine avec la nuit. Mais à l'inverse, le cheminement du temps tragique va dans le sens contraire. Car lorsqu'elle se débute, la tragédie, les acteurs, les héros sont dans un noir absolu. C'est le désespoir. Et au contraire, à la fin, c'est le triomphe du bien sur le mal qui se termine en quelque sorte par un champ de lumière plutôt que par un champ d'obscurité. Il y a donc ce paradoxe. C'est pas du tout un paradoxe, c'est parce que c'est au début C'est quelque chose qui est comme état dans l'état de crime, du fait que le palais, c'est le lieu de crime. Et à la fin, le palais, c'est la maison natale. C'est le fait qu'on est entré, ceux qui devaient entrer, ils ont pénétré. Alors toute l'action se passe sur ce chemin, du fait qu'une action qui doit s'accomplir, une lumière qui doit arriver, arrive. Oui, mais les choses sont encore beaucoup plus compliquées, car à l'intérieur même de cette vraie tragédie, il y a une fausse tragédie. Il y a le long récit de la mort imaginaire d'Oreste, n'est-ce pas ? Le pédagogue arrive et dit, je vais vous expliquer comment est mort Oreste. Il était dans un combat de dans une course de chars d'elfes, et là, il a été tué. Naturellement, le spectateur sait que ce n'est pas vrai, mais une partie des acteurs reçoit cela comme la vérité, et une vérité qui est joyeuse pour les uns, triste pour les autres. Alors, cela donne une idée, je crois, de la structure très très compliquée de cette pièce, où il y a à la fois ce renversement dont je parlais, et cette tragédie à l'intérieur de la tragédie, où la pseudo-mort d'Oreste annonce la mort réelle de Clytemnestre et d'Égiste. C'est un des plus beaux moments dans la pièce, le fait que le mort vivant arrive avec ses propres cendres. C'est ça. Et qui donne à celle qui le croyait mort. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de tenir compte dans le récit de cette évocation de la mort d'Oreste? Oui, parce que tout de même, c'est un peu, c'est vrai, c'est gênant, parce que d'une certaine manière, toute la pièce de Sophocle est construite là-dessus. Dans la pièce d'Eschyle, l'annonce de la fausse mort d'Oreste occupe une place centrale, mais très rapide. Elle permet le mécanisme de la reconnaissance sur quelque chose de mélodramatique, alors que Sophocle étend cela démesurément et place, n'est-ce pas, cet extraordinaire morceau de bravoure que vous supprimez complètement, qui est le récit de la course de chars. On l'a, c'est tout à fait là, c'est pas coupé du tout. Ah bon? Oui, mais il est mêlé, il existe, mais il est mêlé à des interventions, non, du cœur. Non, pas du tout, il est mêlé par les réactions simultanées de joie extrême de Clytemnestre et de désespoir d'Electre. Mais il n'a pas son unité de récit. Oui, vous avez posé la question « Pourquoi la tragédie aujourd'hui ?» Il ne s'agit pas simplement de la question générale « Pourquoi la tragédie ?» Il s'agit de la tragédie dans un contexte bien précis qui est la recherche d'un théâtre du geste, d'un théâtre du cri, enfin de tout ce qui fait le nouveau théâtre actuellement, des entreprises comme celle de Vitesse et celle de Sherbane. Sherbane a répondu, ça me paraît très vrai, ça me paraît très important. Je me rappelle une phrase des mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar où elle dit tout homme a le sentiment, quand il se met à penser, de penser quelque chose que les Grecs ont déjà pensé, qu'ils ont pratiquement tout pensé. Bien, je pense qu'après 2000 ans, ça reste vrai, que les aspects nouveaux de la condition humaine qui peuvent nous apparaître nous révèle sous un nouveau jour la tragédie grecque. Continuellement, nous découvrons des choses que nous n'avions pas vues. Ça s'est passé il y a 20 ans avec le théâtre de Beckett. Lorsque nous sommes parvenus au terme de la nudité du tragique de l'homme avec Beckett, on a eu le sentiment que l'on retrouvait le tragique fondamental au niveau où les Grecs l'avaient placé. Mais ce tragique fondamental, est-ce qu'il ne nous parvient pas à travers la culture ? Vidal-Naquet, là, qu'est-ce que vous pensez de là ? Bien, je pense d'abord, pour revenir sur ce qu'a dit Alfred Simon, qu'il y a bien, suivant le titre d'un livre de Jean-Marie Domnac, un retour du tragique. Car toutes les époques n'ont pas été tragiques et toutes les époques n'ont pas apprécié la tragédie. Si l'on prend l'histoire d'Oedipe, par exemple, qui est la tragédie par excellence. Bon, le Moyen-Âge avait fait un roman de Thèbes autour de l'histoire d'Oedipe. Mais rien au monde ne peut être moins tragique que ce roman de Thèbes qui s'étire, comme tout roman médiéval, qui est peut-être à la source de notre romanesque, mais certainement pas de notre tragique. Les représentations des tragédies antiques n'ont pas d'abord été tragiques. La première grande représentation d'Édipe Roy, celle qui a eu lieu au théâtre, au théâtre de Palladio à Vicence, et qu'on a pu reconstituer dans ses plus petits détails vers 1543, si mes souvenirs sont exacts. Eh bien, cette représentation n'était pas tragique, autant qu'on puisse se rendre compte. Là, la tragédie, elle est revenue récemment, elle est revenue bien sûr. Mais elle est venue avec Racine, tout de même. Avec Racine, c'est directement avec Racine. Mais la tragédie grecque, elle nous est véritablement revenue depuis Nietzsche. Oui, sans contredit, c'est Nietzsche, avec la mort de Dieu, qui a redécouvert la tragédie. Et c'est depuis Nietzsche que par une exploration continue, qui tient certes pour une part de la culture, mais qui tient aussi du tragique contemporain, actuel, vivant, celui des lendemains de la guerre, c'est par ce biais-là que nous sommes revenus au tragique, et toute culture véhicule malgré tout, pas seulement une expérience scolaire, mais autre chose qui réfracte notre expérience contemporaine. Oui, je voudrais démystifier le piège que nous tendait Guy Dumur en faisant arriver comme ça le thème culture contre culture, en effet. Vous savez, c'est parce que c'est un thème à la mode. Moi, je suis plutôt un homme de culture. Oui, mais je comprends bien, mais c'est un fait. Enfin, tenez, je pense, lorsque j'étais avec Ariane Nouchkine à la première représentation à la cartoucherie de Aurora, le spectacle de Gélas. Et à la fin de la représentation, Ariane a eu un seul mot. Elle a dit « Une tragédie grecque jouée comme ça, ce serait formidable. » Ce qui signifiait... Oui, mais les femmes de théâtre, donc femmes de culture. Oui, mais le Gélas, en ce moment même, la critique ne parle pas du spectacle que Gélas donne à la cartoucherie, et tous les soirs, c'est plein, 400 jeunes, la presse officielle n'en parle pas, il paraît que la presse parallèle, Charlie Hebdo et tout cela, a fait d'excellents comptes rendus de ce spectacle. C'est-à-dire que Ariane Nouchkine exprimait, je crois, un sentiment très vaste, à savoir que la petite pièce de Gélas en elle-même n'avait peut-être pas une très grande valeur, mais le jeu qui s'insérait à travers cette pièce indiquait quelque chose de très profond qu'on trouve au niveau de la tragédie grecque. Parce que ce qu'il y a de nouveau... Oui, seulement, écoutez, si vous me permettez tout de même, il s'agit d'Électre. Oui. Or, Électre tout de même est une pièce extraordinairement située et datée. C'est quand même une tragédie de la vengeance. C'est une tragédie d'aristocrate où tout le monde venge quelqu'un, où Électre parle constamment de son rang à tenir. C'est une princesse qui se révolte et Oreste lui-même est un prince qui essaie de reconquérir son royaume. Il y a là des personnages qui sont tout de même très loin des contemporains. Je crois vous entendre parler de Corneille ici. Et il me semble que ce qui est caractéristique de la tragédie grecque, c'est qu'elle dépasse cela. Elle le dépasse parce que N'oubliez pas que, en fait, nous sommes devant un spectacle qui est joué dans une langue que nous ne comprenons pas. Tout ce que vous dites, c'est avant tout une espèce de violence brute, de violence fondamentale, qui nous dit quelque chose, je crois, de très important pour nous. De violence qui va jusqu'au bout. C'est là que le caractéristique de Sophocle, à l'intérieur même de la tragédie grecque, c'est que c'est un homme qui a poussé l'analyse de la souffrance et de la passion jusqu'à son terme ultime. Ce sont des personnages sans compromis qui vont jusqu'au bout de leur affaire et qui ton, brutalement. Mais cela je le comprends bien, bien sûr. Mais est-ce que ça correspond à des sentiments de maintenant? Est-ce que vous croyez qu'il y a encore des gens qui, justement, poussent jusqu'au bout leurs sentiments, sont capables de cette violence, ou du moins intérieure? Écoutez, dans les rues d'Athènes, il y a quelques jours... Il y avait une jeune fille qui s'est jetée devant un char et qui a été écrasée. Le char n'a pas reculé comme elle l'espérait peut-être. Elle est allée jusqu'au bout. Il me semble que ces sentiments-là peuvent nous faire comprendre quelque chose. Vous comprenez, il est vrai que le spectacle Électre est joué dans des conditions qui faussent le jeu d'une certaine manière. C'est un spectacle élitaire donné dans le cadre du festival d'automne devant une centaine de spectateurs chaque fois. Non, 200, 300, 200, je crois. 200 ou 300. Mais on ne peut pas s'en tenir à cet ordre de constatation-là. Je crois que virtuellement, le public d'un spectacle... Écoutez, vous croyez que c'est pour les élitaires parce que c'est après Grotowski, mais ça n'a rien à voir, monsieur. Mais non, je ne le dis pas. Non, je dis que virtuellement, ce spectacle est capable d'atteindre une très grande audience. Je dirais, si vous voulez, que pour moi, c'est une véritable fête. Peut-être que les gens qui devraient voir ce spectacle ne le verront jamais, mais il est prêt pour eux. Vous créez quelque chose qui est en disponibilité pour un public que le spectacle aiderait à libérer et qui ne seront peut-être pas libérés parce qu'ils ne verront pas ce spectacle. Je crois que c'est ça. En créant officiellement la tragédie, les Grecs ont, Jean-Pierre Vernant le dit, créé un nouveau mode de fête, changer fondamentalement le sens de la fête dans la société grecque. Il ne faut pas oublier que la tragédie, c'est au moment où elle est écrite, c'est à la fois la théologie, la philosophie, la poésie de ce temps, n'est-ce pas? C'est un mode. Et même le droit, n'est-ce pas? C'est une pensée totale. C'est à la recherche de quelque chose, d'une expression aussi fondamentale de nous-mêmes que nous sommes aujourd'hui à la recherche. Et dans la mesure où le travail théâtral fait par des gens comme Sherban est aussi radical, va aussi jusqu'au bout, sur le corps, sur la voix, eh bien c'est quelque chose de fondamental. Eh bien, le temps a passé très vite. Je voudrais poser une dernière question à André Sherban, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est encore peu connu du public français. Et André Sherban est roumain. Il a beaucoup vécu en Amérique, il a travaillé avec Peter Brook, donc il est très international. Maintenant, il joue à Paris. Et j'aurais voulu savoir si justement ce besoin de cette façon qu'il a eue d'exprimer la tragédie, de jouer la tragédie, est-ce que selon lui ça correspond à quelque chose de très universel qu'il a ressenti aussi bien aux États-Unis où il a vécu que dans son propre pays, la Roumanie, ou ici en France? Alors il y a un texte grec qu'on ne comprend pas du tout, avec des comédiens américains, mélangé avec des comédiens français et avec quelqu'un qui vient de Roumanie. Alors voilà un mélange très très curieux, des tempéraments très différents. Les comédiens qui, bien sûr, que chaque comédien impose un rythme qu'il crée dans le son qui est propre à sa propre langue, pas de la langue parlée, mais à sa propre culture, à sa propre... éducation, et on essaye tous ensemble de créer une musique bien sûr au niveau du théâtre qui soit d'abord parmi nous compréhensible et plein de sens. Et alors bien sûr que le fait que ce travail ait été fait dans des conditions si insolites, ça répond un peu à votre question. Le fait qu'on le présente maintenant pour un public français, mais qui sait demain, on voudrait bien reprendre cette expérience au Brésil ou en Afrique, de voir ce que ça donne à ces gens-là, qu'est-ce que ça transmet là-bas, ça serait aussi important pour nous que le spectacle à Saint-Chapelle. Thank you. Vous venez d'entendre Andrei Serban à propos d'Électre de Sophocle dans l'émission Mise en scène proposée par Guy Dumur, diffusée la première fois le 23 novembre 1973 sur France Culture, avec Andrei Serban, Alfred Simon et Pierre Vidal-Naquet. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.